couleur croisée? Bah écoute. Découverte couleur croisée, c'est un hommage à Charlie Parker alors. C'est le mélange vraiment entre l'Afrique et l'Occident. Au bout de 10 minutes, on pouvait attendre 5 secondes. Oh, maman, baby. Couleurs croisées, tableau musical, métissage des couleurs, tous les mardis soirs, 21h-23h, sur 88.4.